Bon, t'as réussi à me convaincre de venir faire un tour, mais là, ça fait un bout qu'on marche, là. Retournons au bateau. Oh, papy, encore un peu. On est presque rendu au haut de la butte. La vue doit être super en haut, là. Waouh, je te l'avais bien dit que ça valait la peine. C'est beau, hein? Regarde, on voit même le village. Oui, t'as raison. C'est merveilleux. Ça me rappelle les paysages de mon enfance. La nature est belle. Des fois, j'ai tendance à oublier d'ouvrir les yeux. Te souviens-tu de la chanson qu'on te chantait, ta grand-mère et moi, quand t'étais plus petite? Ça me donne envie de la chanter.